Moi je n'ai pas de copains, je suis un connard. Mes copains sont loin, c'est des bâtards. Alors je suis seul, seul, seul ce soir, comme d'habitude, moi et mon désespoir. Alors je me retrouve à la maison, ben comme un con. Comme un con, je regarde la télévision. Y'a que des émissions à la con devant. Qui veut gagner des millions? Y'a qu'une solution, un jean pépin avec des glaçons. Moi, je suis un chauvin, pas très malin, qui donne des coups de pied dans les chiens. Je suis un salaud, un gros lourdeau. Moi, les gens, je les aime pour. Essayer de me trouver une femme qui a du charme, une femme sans mélodrame. J'ai passé une réclame dans le Figaro, madame, mais qu'est-ce que je rame à Paname? Je laisserai jamais mon âme, non, à un hippopotame. Suite à ma réclame, ben, personne n'a répondu. Je suis allé dans la rue, à la recherche d'une ingénue, une parfaite inconnue, qui m'a répondu. Ouais, faut pas abuser non plus. Moi, je suis un chauvin, pas très malin, qui donne des coups de pied dans les chiens. Je suis un salaud, un gros lourdeau. Moi, les gens, je les aime pas. Alors, je me suis résigné à vivre comme un ermite. Moi, ma queue et mon couteau, enfin, si vous préférez ma bite. J'ai vécu dans une grotte, pas vraiment propre, mais bon, faut ce qu'il faut. Quand on veut vivre en solo. Parce que ce que les gens comprennent pas en fait, c'est que le soleil je l'aime pas, le printemps je l'aime pas, le chant des oiseaux. Ah, je les défonce tous au marteau. Les amoureux qui se décotent sur le banc public, ben, moi je les brûle à l'acide nitrique. Je dévisse le banc, je leur fous dans les dents. Je leur fais pisser le sang et s'ils sont pas contents, et ben. Je leur rentre dedans, à eux et leurs enfants, à leurs parents, leurs grands-parents, leurs cousins, leurs cousines, à tout le monde. J'épargne personne, je suis un vrai, vrai kamikaze, moi. Hein, je suis peut-être tout seul, hein. Bah, ben, je suis seul, mais tant pis, bah, ben, tant mieux, bah, ben, moi, je suis heureux, tant pis. De toute façon, les gens, c'est des enculés, je les aime pas.